Nyangi. Merci de nous rester fidèles. Madame, monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. L'insuffisance du personnel qualifié, surtout à l'intérieur du pays, reste la cause majeure des décès maternels au Burundi, selon l'Association des gynécologues du Burundi. Ce 10 août, le monde célèbre la journée dédiée à l'enregistrement des naissances. Dans son communiqué, l'UNICEF fait savoir que la province Kirundo enregistre les plus bas taux avec 54% des moins de 5 ans enregistrés à la naissance. Et des leaders des partis politiques dans les provinces de Bururi et Lumonge, c'est au sud du pays, demande à ce qu'ils soient eux aussi considérés dans la mise en place des commissions électorales communales indépendantes. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Innocent Bibonimana. Ils s'engagneront la radio de l'avenir. Page santé pour débuter cette édition. L'insuffisance du personnel qualifié est l'une des causes majeures liées au décès maternel qui s'observe toujours au Burundi. Le professeur Harerimana Salvatore, président de l'Association des gynécologues du Burundi, l'a dit ce jeudi au cours du 6e congrès de l'Association de gynécologie au Burundi, tout en précisant que cette insuffisance s'observe beaucoup plus à l'intérieur du pays. Il indique toutefois qu'en collaboration avec le ministère de la Santé, plusieurs projets sont en cours pour éliminer ce défi. Suivez. Quand je dis maintenant nous sommes une trentaine, en créant l'association, on était moins de 15. On dirait qu'on a un effectif meilleur par rapport d'il y a 15 ans, mais on n'est pas suffisant. Tout à l'heure, on dit même tous ces 30 gynécologues, je pense que 90% sont dans la mairie de Bujumbura. Cela veut dire que la couverture en médecins spécialistes, en général, et en gynécologie en particulier, elle n'est pas encore couverte. La mobilité des personnes, elle est toujours un autre défi. Ce qui fait que, quand je parlais d'internship, c'est pour dire qu'il faut que tout le monde ait cette capacité-là avant d'aller sur le terrain. Comme ça, même s'il fait une rotation, il y a l'autre qui va, il a les mêmes capacités. Donc, vous avez entendu dans la salle une qui disait, quand il a été affecté, la première semaine, on l'a mis à la garde. Et quand on l'a mis à la garde, on gère les urgences, en particulier les accouchements, dont les césariennes. Donc, des fois, on peut se retrouver devant une situation dont on ne maîtrise pas et les complications peuvent être malheureusement. Quand on regarde les normes internationales, l'OMS définit des chiffres en disant si vous avez une population telle, vous devrez avoir un quota. Si vous avez une population telle, bon, pour les chiffres, je m'en garde de précisions exactes. Si vous avez un hôpital, par exemple, de district, où on trouve un médecin consultant, il est en même temps directeur. Et il est appelé dans une... Donc, il profite tout. C'est-à-dire que là, ce n'est plus... Même si les compétences, il est seul, on ne peut pas tout faire. Mais donc là, c'est pour dire que c'est insuffisant en termes de quantité. Mais maintenant, on veut aussi évaluer la qualité. Mais là, on est en train de revoir les curricula pour pouvoir dire maintenant, on veut ces compétences. On forme quelqu'un qui a ses compétences. Inauguration ce vendredi à l'hôpital de 3e référence d'Ngozi dans un laboratoire d'anatomie pathologique. Le médecin directeur de cet hôpital parle d'un important don des fondations Rikova et Kirikou. Selon lui, les examens de laboratoire d'anatomie pathologique qui se faisaient souvent à l'étranger vont désormais se faire à Ngozi et parle d'un soulagement des patients et les docteurs représentants. Ces fondations promettent plus d'appui, notamment des formations des laborantins. Le point avec Apollinaire Muzagara. Comme l'indique le docteur Guillaume Naokurigayo, directeur de l'hôpital de 3e référence d'Ngozi, son laboratoire d'anatomie pathologique vient à point nommé car il permettra non seulement la diminution des coûts de soins pour les patients, mais aussi va améliorer la qualité des soins. Le service d'anatomie pathologie, c'est un service presque inexistant dans les hôpitaux publics. Donc, la plupart des patients en souffrance pour les pathologies souvent chroniques, les pathologies tumorales, les cancers, pour faire le diagnostic, vraiment, c'était vraiment très cher ou même quelquefois difficile pour les patients démunis. Donc, c'est un sentiment de grande satisfaction d'avoir installé les équipements d'anatomie pathologique au sein de l'hôpital d'Ngozi. Je pense que ce service va améliorer en grande partie, bien sûr, la qualité de son service pour qui souffrent de ces pathologies. Le gouverneur de la province Ngozi et son médecin directeur de cet hôpital salue son don et demande à ses partenaires espagnols de penser aux autres équipements, notamment le scanner et autres, en vue de continuer l'amélioration des soins en Ngozi et au Burundi en général. Les docteurs Annabella et Ricardo, qui ont représenté ces fondations, promettent de continuer l'appui, surtout en formation sur place en Ngozi à distance, des techniciens et médecins laborantes. Vous saurez que l'hôpital de troisième référence d'Ngozi fabrique des bouteilles à gaz. Aussi bientôt, d'après Dr Guillaume Naukuri-Gayo, le service d'hémodialyse va ouvrir ses portes. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Toujours en page santé. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Certains leaders des partis politiques dans les provinces de Bururi et Rumonge disent ne pas se retrouver dans les CEPI, demandent d'être parmi les favoris dans la mise en place des commissions électorales communales indépendantes, celles-ci qui vont bientôt être mises en place. Philemon Nahabandi, président de la CEPI Burunga, dit que la loi sera appliquée et demande que les candidats à ceci soient désignés en respectant les critères définis par la CENI. C'était vendredi à Rumonge. Lors d'une réunion de clarification des critères à respecter par les partis politiques, les confessions religieuses et la société civile dans le choix des candidats au CECI. Le point avec Jean-Pierre Misago. Certains participants dans cette réunion ont demandé d'être parmi les favoris dans les prochains démembrements de CECI, car n'ayant pas eu de place dans les CEPI, et cela pour la transparence et la crédibilité des prochaines élections. D'autres ont voulu des éclaircissements si ce sont tous les membres de ceux-ci qui doivent avoir un diplôme universitaire ou si c'est uniquement le bureau. D'autres encore ont voulu savoir s'il n'y a pas moyen de prolonger le délai de la confection et de dépôt des dossiers ou encore s'il n'y a pas moyen que les dossiers des candidats au CECI soient déposés au chef-lieu de la nouvelle commune de Rumonge pour ceux de la circonscription et ensuite être récupérés par l'encadreur communal pour les acheminer à la CEPI Burunga. Sur ces questions, Philemon Nahabandi, président de la CEPI Burunga, a fourni des explications sur la question de constituer des CECI inclusives. Il a déclaré que les critères définis par la CENI seront observés et aux leaders politiques, religieux ou de la société civile de s'y conformer dans le choix des candidats à présenter. Sur la question du niveau d'études des membres de CECI, le président de la CEPI Burunga a précisé que tous les membres doivent avoir au moins 2 années réussies à l'université. Concernant la prolongation du délai de confection et de dépôt des dossiers, c'est amplement suffisant, dit Philemon Nahabandi, qui ajoute que ce sont les partis politiques, les confessions religieuses, la société civile qui déposeront eux-mêmes à la CEPI Burunga les dossiers de leurs candidats. Plusieurs autres questions ont été posées et ont trouvé des réponses satisfaisantes. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI tranquillise certains responsables des formations politiques et ceux des associations de la société civile qui demandent la transparence dans la mise en place des commissions électorales communales indépendantes. CECI. François Bizimana, commissaire chargé de la communication à la CENI, demande à ceux qui se plaignent d'attendre l'issue des consultations organisées dans toutes les provinces du pays dans le but de mettre en place les membres des commissions électorales communales indépendantes. Suivez François Bizimana, commissaire chargé de la communication à la CENI. En date du 29 juillet 2024, les membres des commissions électorales provinciales indépendantes ont prêté serment. Après la prestation de serment, ils ont été formés pour savoir comment ils vont organiser les élections au niveau de chaque province. Et au moment de la clôture de ces formations, la CENI leur a demandé d'organiser des consultations avec les partenaires électoraux dans leurs provinces pour s'entendre sur des critères sur lesquels ils devront se baser pour mettre en place les commissions électorales communales indépendantes. Un calendrier a été donné. Depuis lundi, le 5 août, les membres des commissions électorales provinciales indépendantes ont été invités à réunir les partenaires électoraux pour discuter ou pour se convenir sur les modalités de mise en place des membres de ceci. Ces consultations sont en train de se dérouler pour le moment. Ces consultations vont se clôturer le 10 août de cette année. Plutôt, je demanderai aux auditeurs ou même aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de prendre le mal en patience, d'attendre les conclusions de ces consultations qui sont en train d'être menées par les CEPI et les partenaires électoraux. Ici, nous ne pouvons pas dire ou préciser comment sera la composition de ces CEPI au moment où les consultations se déroulent encore. François Bizimana, commissaire en charge de la communication à la CENI. Je vous l'annonçais en titre, la province de Kirundo enregistre les taux les plus bas avec seulement 54% des enfants de moins de 5 ans enregistrés à la naissance. Dans un communiqué de ce 10 août à l'occasion de la journée de l'enregistrement des faits d'état civil, l'UNICEF dit réitérer son soutien indéfectible au gouvernement de Burundi pour que chaque enfant bénéficie d'une identité juridique. Entre autres facteurs entravant l'enregistrement des naissances et le retrait des certificats de naissance, l'UNICEF parle notamment de courts délais légaux de 15 jours calendaires pour faire enregistrer son enfant, sans quoi les familles doivent suivre une procédure complexe et coûteuse pour procéder à l'enregistrement tardif. Il y a également le coût de l'obtention d'un acte de naissance qui reste élevé pour les familles vulnérables. L'UNICEF note également de longues distances à parcourir pour atteindre les bureaux d'enregistrement à l'état civil. Selon toujours ce communiqué sur les 164 millions d'enfants non enregistrés à travers le monde, plus de la moitié, soit environ 91 millions d'enfants, vivent en Afrique et environ 6 enfants sur 10, soit 116 millions, ne possèdent pas d'acte de naissance. Et selon France Béguin, représentant de l'UNICEF au Burundi, l'enregistrement des naissances, qui est un droit fondamental consacré par la Convention relative aux droits de l'enfant, donne accès à la réalisation de nombreux autres droits socio-économiques tels que le droit à la santé, à l'éducation, à la protection. Priver un enfant de ce droit équivaut à l'exposer à de graves violations telles que le mariage précoce, l'exploitation et la traite, conclut le représentant de l'UNICEF au Burundi dans son communiqué de ce samedi 10 août. Et en province Kayanza, en cas de suicide d'un cinquantenaire originaire de la colline Funda, en commune Muruta, a été signalé dans la réserve naturelle de la Kibira la nuit de jeudi à vendredi de cette semaine. L'administration communale parle des conflits familiaux comme mobile de ce suicide. Ce cas de suicide s'ajoute à 7 autres cas de suicide enregistrés dans la même commune de Muruta de mai 2023 à juin 2024. Sylvain Bakani Bonnard, conseiller socioculturel du gouverneur de la province Kayanza, appelle les administratifs à suivre de près les problèmes qui hantent la vie de leurs dirigés. Une information que nous devons à notre correspondant en province Kayanza, Patrick Nsengiyumva. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Innocent Bibonimana qui a assuré la mise en onde. Tout de suite après cette édition, vous suivez la revue de presse. Au revoir. Mireille Kanyang. revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Le président du parti APDR, molesté par la police, regrette Ouattu. Notre confrère du Ouattu précise que Gabriel Banzawitonde, président du parti Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation APDR, est mal en point. Ce journal souligne qu'il a été passé à tabac dans la soirée de ce jeudi 8 août par des policiers en poste tout près du pont Gikoma sur la route nationale numéro 9. C'est sur l'axe Bujumbura-Bubanza. Tout a commencé au moment où il rentrait chez lui, explique ce journal. C'est quand il s'est mis à défendre un chauffeur de taxi en pleine altercation avec des policiers positionnés près du pont sur la Gikoma. Il y avait quelques passagers de trop dans ce taxi et ces policiers ne voulaient pas entendre les explications de ce chauffeur. Selon des témoins qui se sont entretenus avec Ouattu, ces policiers voulaient lui soutirer de l'argent pour cette infraction. C'est quand le président de la PDR a proposé que ce chauffeur soit sanctionné selon la loi et qu'il puisse payer une amende à l'office bondé de recettes, OBR, souligne Ouattu, que ces policiers s'en sont pris à lui. Le président de ce parti déplore ce genre de comportement et demande que les policiers responsables de cet acte soient traduits devant la justice et punis conformément à la loi. Conclut Ouattu. Flambée des prix de la viande à Gitega, constate Burundi Echo. Cet hebdomadaire socio-économique qui se réfère sur les propos des bouchers et vont au marché de Gitega illustre que dans l'intervalle d'un mois seulement, le prix a augmenté de 2000 francs burundais. Un kilogramme de la viande désossée coûte maintenant 18 000 francs burundais contre 16 000 francs burundais auparavant. Quant à la viande avec os, elle se vend à 13 000 francs burundais le kilo. Ces bouchers ont expliqué à nos confrères que le coût du transport est élevé suite au manque de carburant. Ils ont souligné que le coût pour le transport transville est passé de 80 000 à 300 000 francs. Ils ont aussi indiqué que sur le marché d'approvisionnement, les prix ont également grimpé puisque, rapporte-t-il, le nombre de vaches disponibles sur le marché d'approvisionnement a donc diminué. Burundi Echo rappelle que dans une correspondance du 31 janvier 2023 adressée au gouverneur des provinces, le ministre de l'Intérieur leur avait demandé que le prix de la viande soit uniforme dans toutes les provinces. Le prix du kilogramme de la viande sans os, ou msoso, avait été fixé à 11 000 francs burundais, tandis que celui de la viande avec os, tianga tianga, avait été établi à 10 000 francs burundais. Plus de 5 000 cas d'abandon scolaire en commune Nyanzalake, relate NetPress. La commune scolaire de Nyanzalake a enregistré plus de 5 000 cas d'abandon scolaire au cours de l'année passée, précise le directeur communal de l'enseignement de Nyanzalake, en province de Makamba, au sud du pays, qui indique en outre que le nombre d'abandons scolaires ne cesse d'augmenter dans cette commune, regrette NetPress. Ce directeur a indiqué dans les colonnes de NetPress que les causes principales sont le départ des élèves qui vont chercher du travail en Tanzanie, les grossesses non désirées, des mariages précoces, ainsi que la démotivation des parents et des élèves par rapport à l'école suite au taux de chômage qui ne cesse de s'accroître au Burundi. Certains parents rapatriés et autres vulnérables ont quant à eux rapporté qu'il leur est difficile de supporter les salaires des enseignants vacataires qui sont supportés par les parents, conclut NetPress. Lancement national de la campagne de taille et paillage rapporte l'agence burundaise de presse. En effet, l'assistant du ministre de l'Industrie, de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Léonard Butoyi, a procédé mercredi au lancement de la campagne de taille et paillage décaféiée, rapporte notre confrère de l'ABP. Il est revenu sur la nécessité de promouvoir cette culture d'exportation pour contribuer au développement du pays, d'où il a interpellé la population à redoubler les efforts pour sa promotion, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Il a en outre interpellé les chefs des collines et moniteurs agricoles au bon entretien des matériels caféicoles et prendre les devants dans la lutte contre les fraudes. C'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse préparée et présentée par Jean de Dieu Irakoze et Francine Ndokugayo.